Bonjour Raymond. Bonjour Tania. Et là, on est vraiment là retombé dans nos bonnes vieilles pantoufles le lundi 17h10. Et cette semaine, tu commences en force parce qu'on a vraiment plein de sujets, une espèce de tour d'horizon des TI. Exactement. Puis on essaie de les lier un peu avec le mobile, qui est au cœur donc de nos préoccupations cette semaine. Notamment, je suis tombé sur une étude du Pew Research Center aux États-Unis. Et c'est un peu lié aussi avec, on a jasé un peu au fil des chroniques de fractures numériques. Donc l'idée que tout le monde n'a pas nécessairement un accès aussi facile au numérique et à l'ordinateur, à l'Internet, etc. Et ce que le Pew a remarqué, c'est que 30% des adultes aux États-Unis qui n'ont pas d'Internet, accès au web à la maison, mais avec un Internet de type broadband, donc classique. Par contre, en fait, que sur ce 30%-là, ben, il y a 10% de gens qui utilisent les téléphones intelligents comme unique source d'accès à Internet et que, donc, le 20% qui reste, ben, n'ont tout simplement pas d'accès. Et cette recherche-là, ce qui est intéressant et qui vient ajouter un peu au constat qu'on a un peu partout, sporadiquement, qui disent, ben, OK, on est en train peut-être de laisser des gens en arrière pour diverses raisons. On parlait de raisons sociales, on parlait de capacité technologique, de capacité linguistique. Mais, donc, cette étude-là du Pew Research Center rajoute un élément additionnel qui n'avait pas encore été mis de l'avant, mais c'est la question de l'intérêt. Ce qu'ils disent, c'est que sur le 20% de gens qui n'ont aucun accès à Internet, ben, là-dedans, il y a un pourcentage de gens qui font le choix conscient de ne pas aller sur Internet, de ne pas utiliser ce médium-là. Ouais, c'est important, ça, de spécifier que c'est pas nécessairement parce qu'on n'a pas les moyens financiers ou quoi que ce soit, là. C'est ça, c'est parce qu'ils n'ont pas envie, oui, tout simplement. Ils ont le choix. Ils ont le choix. Il y a personne qui est obligé, évidemment, d'être sur le web ou d'en profiter ou de l'utiliser. Mais on a tendance peut-être aussi à oublier cette dimension-là, donc de la fracture numérique. Évidemment, ça amène d'autres défis dans la mesure où si, effectivement, en termes de gouvernance et autres, on intègre de plus en plus de services sur le web, ben, de quelle manière on peut aller chercher des gens qui n'ont pas un intérêt pour ce médium-là, qui vont quand même, au bout du compte, être forcés, entre guillemets, de l'utiliser, bon, peut-être au parce bureau et le reste. Là, ouais. Mais donc, c'est une question qui est quand même intéressante. Donc, premier élément en lien avec le mobile. Et je te disais, Tania, donc l'idée qu'il y a quand même pas mal de gens. Donc, si c'est 10% des Américains, c'est quand même beaucoup de monde. Aux États-Unis, ouais, évidemment, c'est pas mal de monde un peu partout aussi, qui utilisent l'Internet à partir des téléphones intelligents. Eh bien, il y a une autre étude, en fait, qui a été mise de l'avant par Statista, qui dit justement que en juillet, donc le mois dernier, 17,4% du trafic web était en lien avec les téléphones mobiles. Donc, était issu de téléphones mobiles. Donc, c'est quand même assez intéressant également. Et autre élément qui ressortait de ces études-là, c'est l'idée qu'il y a de moins en moins aussi de... Ben, c'est encore très important, mais il y a une légère baisse en matière des moteurs de recherche comme source. Donc, les gens vont peut-être plus directement au site avec justement des applications, avec des d'autres applications, types d'outils. Ouais. On a peut-être un peu moins tendance à chercher, mais reste que donc le mobile, on sait qu'il y en a de plus en plus, mais puisqu'il y a beaucoup plus de mobiles, ben ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup plus de trafic sur le web qui est fait à partir de téléphones mobiles. Mais ça engendre aussi toutes sortes d'inconvénients, par exemple les virus. Et oui, on peut pas s'en sortir, en fait. Non, il y a toujours quelqu'un qui veut venir mal faire dans ton ordinateur. Et les chiffres, en fait, quand on parle de la hausse des logiciels malveillants, des menaces informatiques, quand on parle de téléphonie mobile, c'est toujours assez impressionnant. On parle, en fait, McAfee a sorti récemment son dernier rapport et il parle d'une hausse de 35% de logiciels malveillants sur les plateformes Android. Donc, c'est quand même pas rien. Et c'est simplement pour un trimestre, en 2013, là, le dernier trimestre, le deuxième. OK. Donc, pour le quart de l'année, ben pour le tiers de l'année, dans le fond, c'est 35% de hausse. Alors, il y a eu évidemment une hausse aussi dans le premier trimestre. Il y aura probablement une hausse aussi dans le prochain. Et il faut dire que on est face ici à un nouvel outil de navigation web. Donc, nécessairement, il va avoir un beaucoup plus haut pourcentage de hausse parce qu'on partait de rien, ouais, au bout du compte. Par contre, là, il y a de moins en moins rien. Ce qu'on remarque, c'est qu'une grande proportion des attaques électroniques proviennent de chevaux de Troie, donc des logiciels malveillants qui utilisent les portes dérobées des appareils mobiles. Ils viennent voler les informations contenues dans les appareils sans que la victime ne s'en rende compte. Les logiciels malveillants qui recherchent des informations bancaires des utilisateurs formeraient la majorité quantité des attaques enregistrées, donc principalement sur Android, évidemment. On parle quand même là, de... En fait, il n'y a pas de comparaison entre les attaques Android versus les attaques sur iPhone. C'est une question de plateforme aussi, un peu comme Mac et PC, au bout du compte. Et au niveau des ordinateurs, petite parenthèse, puis je suis tombé là-dessus dans le rapport McAfee, où on dit que le dernier trimestre a connu une hausse de plus de 100% de nouveaux types de menaces qui s'appellent les ransomware. Donc ça, c'est des logiciels qui prennent l'ordinateur en otage, essentiellement, donc qui limitent tes accès. On demande une rançon. Et donc, on dit, regardez, payez telle chose, fournissez-nous tel élément et vous allez pouvoir avoir accès à vos ressources. Mais donc, c'est littéralement l'idée de prendre l'ordinateur en otage qui semble s'implanter dans les manières d'aller soutirer de l'argent à travers ces menaces. On est rendu vraiment très, très loin. Parlant d'être rendu très loin, Raymond, la semaine dernière, il y a une nouvelle qui a beaucoup circulé, le fait qu'un téléphone intelligent consomme plus qu'un frigidaire. Oui, effectivement. En fait, c'est apparu sur mon bureau aussi. Donc, c'est une étude vient un peu nous rappeler que les appareils que les appareils électroniques, ça consomme effectivement beaucoup d'énergie. C'est quand même pour ça aussi qu'il y a tout un pan de la recherche et du développement qui est en lien avec ce qu'on appelle les technologies vertes, donc l'idée de rendre plus verts les usages qu'on fait ou diminuer les impacts de la consommation énergétique. Petit rappel sur cette étude-là, en fait, c'est l'idée que... essentiellement, si on fait une comparaison, avec un usage standard d'un téléphone intelligent, ça équivaut à peu près à la consommation de deux frigidaires par année, voire même un peu plus, dans l'idée où on écoute peut-être, par exemple, une heure de vidéo à chaque jour. Parce que c'est sur des usages comme ça qui vont demander un peu plus d'énergie. Donc en continu, si on le laisse dans le fond de la sacoche, ça demande quand même pas comme un frigidaire. Non, c'est ça. Mais par contre, l'idée, c'est justement versus Internet standard. C'est le système qui est différent. Donc quand on va chercher quelque chose sur notre téléphone intelligent, on n'est pas connecté avec un fil à un réseau de fibre optique qui nous amène l'information. Donc ça nécessite un peu moins d'énergie. Mais quand on tombe sur des services qui sont dématérialisés, donc quand on tombe dans l'info néagique, dans le cloud comme on dit en anglais, là pour aller chercher de l'information donc dans des réseaux virtuels mais qui sont réellement virtuels, ça demande un peu plus de l'appareil et donc nécessairement ça va hausser sa consommation énergétique. Alors c'est un rapport qui est quand même assez intéressant parce que justement ça nous rappelle qu'à une époque on est en train justement de mettre en place beaucoup d'infrastructures de ce type-là, qu'il faut se rappeler et qu'il faut penser à des approches qui vont pouvoir limiter cet impact-là. On avait eu un peu les mêmes éléments quand on mettait en place les fermes de données, les data centers, un peu partout dans le fond des centres de serveurs avec des énormes ordinateurs ou des quantités effarantes de serveurs. Et la recherche s'était mise à s'y intéresser pour essayer de trouver justement des approches pour rendre plus vert, ce qui au départ ne l'était pas particulièrement. Et ce qui était ressorti, en fait, on s'en rappelle deux exemples, en fait, en France, avec Arnaud Computing, qui avaient implanté des radiateur-ordinateur, donc l'idée étant de récupérer la chaleur d'ordinateurs publics. Une idée similaire également qui avait été mise de l'avant du côté de l'Université Laval avec le supercalculateur et du côté d'une entreprise qui est un peu liée à ce projet-là qui s'appelle Vert.com qui dit on fait des ordinateurs en silo, ça favorise la récupération d'énergie, ensuite on peut la revendre pour qu'il n'y ait pas de pertes énergétiques également autour de ça. Alors c'est donc une préoccupation. C'est une situation qui est préoccupante, mais il y a de la recherche justement qui se fait pour essayer de trouver des manières de développer et de diminuer l'impact environnemental de tout ça. Alors, en tout cas, au moins, si on essaye de faire quelque chose pour diminuer l'impact, c'est toujours très intéressant. C'est ce qui clôt le volet mobile de ta chronique. Et là, tu nous parles d'un sujet qui, moi, sérieux, me fascine, l'imprimante 3D. On serait bientôt prêt à imprimer des meubles. Oui, en fait, c'est assez surréaliste, mais en même temps, c'est pas inattendu. On en parlait, je sais pas si tu te rappelles, on avait une conférence au mois de mars dernier sur la 3D, et on nous disait, le chercheur nous disait, regardez, on n'est pas très loin de l'idée qu'éventuellement, on va pouvoir magasiner en ligne, faire imprimer une paire de souliers pour voir s'il nous fait et ensuite le commander. C'est malade. Et donc, là, il y a l'idée d'OpenDesk, en fait, qui va un pas plus loin. Et on revient un peu, en fait, quand nos parents, nos grands-parents achetaient des magazines de mode, souvent, ces magazines-là, il y avait des patrons. qui était vendue avec le magazine. Et à partir des patrons, ben, on avait une robe qu'on pouvait créer. Donc, c'était un peu de libre source. On rendait cette information accessible là. Évidemment, c'est de l'information qui aujourd'hui, on peut trouver des patrons sur Internet. C'est pas trop compliqué. Et donc, l'idée d'Open Desk, c'est de faire exactement la même chose, mais avec des meubles, en disant, ben, maintenant qu'on est en mesure d'imprimer en 3D, mais ça veut dire qu'on peut fournir simplement le patron d'un meuble. Donc, les éléments techniques qui vont permettre à l'imprimante ensuite, soit d'imprimer pièce par pièce le meuble pour qu'on puisse le monter, soit d'imprimer le meuble intégralement. Alors, on est rendu là, ça existe. Évidemment, ça existe, mais pas encore nécessairement dans une perspective accessible pour la majorité, parce que l'imprimante 3D elle-même est dispendieuse, mais éventuellement, ça veut dire que quand ces appareils-là vont être peut-être un peu moins chers, mais plutôt que d'acheter nos meubles à distance et de les faire livrer, on va acheter plutôt un meuble dématérialisé qu'on pourra faire imprimer, tout simplement. Alors, c'est ça, j'avais trouvé ça chouette. En fait, je suis tombé là-dessus et je me disais, c'est dans ces situations-là qu'on se rappelle qu'on nage un peu. Je dirais pas dans une certaine science-fiction, mais presque. Mais on est presque rendu là. Je sais pas si c'est un lien, mais prochain sujet, l'indice mondial de l'innovation. En tant qu'innovation, l'imprimante 3D, je pense qu'on est pas mal là-dedans. Là. Oui, en fait, et l'idée, en fait, de cet index-là, c'est d'essayer d'évaluer, justement, les pays qui sont peut-être les plus innovants. Alors, je vous mentionne simplement le standard. Sinon, ça se trouve là, sur Internet, vous tapez JII 2013, l'index global de l'innovation, vous allez tomber sur le rapport détaillé, mais c'est la Suisse qui serait numéro 1, la Suède en numéro 2, les Royaumes-Unis en numéro 3, le Canada qui se positionne quand même 11e sur le palmarès en général, donc c'est quand même pas si mal. Et d'ailleurs, en terminant, peut-être, si on a envie justement, et qu'on est de Québec, de plonger un peu dans l'univers de l'innovation et de voir, parce que souvent, chaque semaine, on parle de trucs qui se font ici, qui se font ailleurs, mais on manque d'occasion d'aller les expérimenter, d'aller les toucher, les capter, en discuter avec les créateurs. Eh bien, il y a un événement qui s'organise cette semaine c'est à Place de l'Université du Québec, les 29 et les 30 août. Ça s'appelle le pique-nique numérique, et entre autres choses, dans ces deux jours-là, il va y avoir donc une douzaine de kiosques avec des innovations qui vont être présentées à la population, des trucs qu'on peut essayer. Il va y avoir des projets de l'Université Laval qui vont être présentés, des projets dont on a parlé ici à la chronique d'ailleurs. On parle, par exemple, du projet parallèle pour apprendre la physique en réalité augmentée. Bon, ça, on va pouvoir l'essayer à ce moment-là. On parle d'une simulation aussi située en milieu urbain pour voir et le dessus et le dessous, donc pour voir les canalisations quand on se promène dans un lieu. Un projet qui s'appelle Migration numérique également, qui avait remporté un prix aux derniers Octas. Donc, l'idée de se faire scanner en 3D. Dans le fond, nous, notre visage, notre corps. Et enfin, les projets aussi de la Chaire de recherche du Canada en patrimoine ethnologique. On parle notamment de l'Encyclopédie du patrimoine culturel de l'Amérique française. Donc, vous allez voir un peu le type d'outil qui est utilisé en ethnologie et technologie. Alors ça, c'est donc les 29 et 30 août prochains. Le vendredi, en fait, le premier jour, c'est de 9h à 20h. Le deuxième, c'est de 9h à 16h. Bon, mais si une imprimante 3D, moi, j'y vais. C'est sûr, je veux voir ça. Raymond Poirier, merci beaucoup. On consulte le site de l'ITIS si on veut avoir plus d'informations et les chroniques. Exactement, itis.ulaval.ca.